tourner sa maca, elle est qui mini, il débordé, nangaï mwana na ye, ayabouni. Lili na lembu ma bolingo, eko kaki na imo.